La première conférence des présidents des organisations de base de tout le parti est ouverte le 23 décembre dans la capitale Pyongyang. Elle va analyser et dresser le bilan des succès, expériences, fautes et leçons dans la lutte pour faire des organisations de base du parti, entités invincibles qui assurent comme il faut l'unicité de l'idéologie et de la direction et qui forment l'unité monolithique avec les masses populaires, ainsi que pour appliquer les lignes et politiques du Parti du Travail de Corée. Elle va ensuite discuter des tâches et moyens pour améliorer les activités des organisations de base du parti, conformément à la demande de la nouvelle époque de la révolution Chuse. À la conférence participent les présidents des organisations de base du parti et les permanents du parti du niveau central et local, qui se dévouent pour le développement des organisations du parti en organisations d'avant-garde infiniment fidèles à l'idéologie et à l'œuvre de notre parti, et pour la défense du socialisme et la prospérité de la patrie. Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a fait son apparition sur la tribune d'honneur, suivi des cadres responsables du parti et de l'armée, y compris Fang Byung-so et Choi Ryong-hae, des cadres responsables du parti du niveau central et provincial et des présidents exemplaires des organisations de base du parti. Le camarade Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, a prononcé l'allocution d'ouverture. Les participants ont écouté le rapport et les interventions. La conférence continue.